بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله متخشف خيسر aujourd'hui le mercredi 27 Ramadan 1441 de l'Hégire correspondant au 20 mai 2020. Nous nous retrouvons pour poursuivre ensemble notre étude de la vie de notre noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à partir du livre de l'imam Ismail ibn Umar ibn Kathir al-Dimashqi rahimahullah qui est décédé en l'an 774 de l'Hégire et son livre s'intitule Al-Fusul fi Sirati ar-Rasul. On a parlé dans le cours précédent d'une des plus grandes batailles et des plus importantes des batailles qu'a mené le prophète sallallahu alayhi wa sallam et c'est la dernière des batailles dans laquelle les musulmans sont attaqués et à partir de cette bataille ce sera la dernière fois que des mécréants attaqueront le prophète alayhi salatu wassalam et c'est lui qui va les attaquer et c'est la dernière fois que des mécréants sortent pour la conquête de Médine et pour le combat des musulmans mais ça sera toujours l'inverse comme le Nabi alayhi salam nous a informé et a informé ses compagnons radiyallahu anhum dans cette bataille quand elle s'est terminée, comme on l'a vu, et également, donc ça c'est religieusement, et également dans la réalité, c'est comme ça que ça s'est passé, exactement comme le Nabi Issa sallam nous a informé. Et on a vu dans cette bataille de l'Khandaq, qui a eu lieu chez la plupart des savants, le 5 Shawwal, de l'année, dans le mois de Shawwal, de l'année 5 de l'Hégire, chez la plupart des savants, dans laquelle Quraysh, incité par les juifs de Banu Nadir, que le prophète alayhi sallam a banni de l'Madina, et qui sont partis en grande majorité, surtout les dignitaires parmi eux sont partis à Khaybar, ils n'ont cessé de comploter pour se venger du prophète alayhi sallam, et ils ont proposé beaucoup d'argent à Kuffar Quraysh pour les inciter davantage et tous les autres ennemis des musulmans et du prophète alayhi sallam pour mener une bataille dans laquelle, selon eux, et selon ce qu'ils pensaient, ils allaient mettre fin à l'islam et musulmans. Et c'est pour ça qu'ils ont réussi à rassembler une armée de 10 000 personnes, 10 000 combattants. Et je vous laisse imaginer le nombre de chevaux et de chameaux et d'armes qui ont été mises à leur disposition dans cette bataille. Et ils sont sortis vers le Médina dans le mois Shawwal de l'année 5 de l'Hégire chez la plupart des savants. Et comme on a vu un point très très important, notez-le bien et on va en parler plus en détail quand on arrivera à cette bataille. C'est la bataille de l'Mouraïsi' ou de Bani al-Mustaliq, la tribu de Bani al-Mustaliq. Cette bataille, dans l'avis le plus juste des savants, elle a eu lieu dans le mois de Sha'ban, dans l'année 5 de l'Hégire, c'est-à-dire juste avant la bataille de l'Khandaq, et dans laquelle les croyants, avec le prophète alayhi salam, ils ont eu une victoire écrasante contre la grande tribu de Banu al-Mustaliq. Et ils ont tué le maître de cette tribu, et ils ont pris beaucoup de biens et de prisonniers, et dans les prisonniers, il y avait la mère des croyants, Juwayriya bint al-Harith, dont son père était al-Harith ibn Abi Dirar, qui est le maître de cette tribu de Banu al-Mustaliq. Et elle a épousé le prophète, alayhi salatu wassalam. Et ça, si ça nous dit quelque chose, ça démontre le comportement qu'avait le Nabi alayhi salam et qu'avaient les compagnons et les muslimines. Le comportement, et bien évidemment, en plus de la vérité sur laquelle ils étaient, dans l'aqida et dans tous les domaines de la religion. Et la mise en pratique de l'islam sur laquelle ils étaient. Yani, c'est pas évident. Imaginez la chose. Des gens tuent ton père et des membres de ta famille. Et après, tu te maries avec un de ces hommes-là. Et tu te maries même avec le chef de ces gens-là. C'est pas une chose évidente. Ça démontre, yani, d'une part, le comportement, et en plus, c'était la vérité. Et les gens, quand ils étaient éloignés de l'environnement dans lequel ils ont grandi, ou les habitudes auxquelles, yani, les coutumes auxquelles ils étaient habitués, et ils s'écartent un petit peu de leur orgueil et de leur fierté, ils savent que l'islam c'est la vérité. C'est pour ça même les pires ennemis du prophète alayhi salam, ils savaient qu'il était sur la vérité. Mais il y avait des choses qui les empêchaient à leur tête, al-hamiya, al-jahiliya, le fanatisme pour les ancêtres et l'entêtement pour les ancêtres. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Si tu analyses la situation des musulmans, tu trouves que souvent ils rejettent la vérité sous prétexte que c'est une nouvelle religion avec laquelle sont venus ces jeunes barbus et c'est pas ce qu'on a connu chez nos parents et nos grands-parents. Et ça, c'est exactement ce que disait Kuffar Quraysh. C'est pour ça quand Abu Jahl et Abdullah ibn Umayya ont voulu faire la da'wa à Abu Talib dans les derniers moments de sa vie, ils n'ont choisi que cet argument, car ils savaient que c'était l'argument le plus fort dans leur cœur, dans le cœur des Quraysh. Ils ont dit, tu délaisses la religion de Abdul Muttalib, ton père et tes ancêtres. Et lui, il n'a pas voulu entrer dans l'islam, de peur de se faire insulter, ainsi qu'il a délaissé la religion de ses ancêtres, tout en sachant que le prophète était sur la vérité. Et ça peut nous sembler étonnant et choquant. Comment un homme comme ça, extrêmement intelligent, et si vous lisez comment il était dans sa société, comment il était dans sa tribu, le statut qu'il avait cet homme, et tout le bien qu'il a fait pour le prophète, il refuse de suivre l'islam à cause de cet argument maudit, comme il dit Cheikh l'islam Mohammed ibn Abd Wahhab, al-hujjatul al-mal'una. Cet argument maudit, à cause de ça, il reste sur l'égarement. Wal'iyadu billah. Donc, je disais que ça nous semble choquant et étonnant, et presque pas croyable. Mais quand tu regardes notre réalité d'aujourd'hui, tu vois les mêmes phénomènes. Tu vois ces mêmes phénomènes. Des gens qui refusent de suivre Sunna parce que c'est pas comme ça que c'était son père, son arrière-grand-parent, ses arrière-grands-parents, tout ça, ils étaient pas sur ça. Ils étaient sur une tariqa soufia ou ils étaient dans d'autres égarements et refusent de suivre la Sunna pure. Donc, on a parlé de Ghazwat al-Khandaq, des tranchées ou des coalisés, et on a vu que c'était une des plus grandes épreuves qu'ont traversé les croyants. Et on a vu comment Allah a décrit l'état des croyants pendant cette bataille. Là où les croyants furent mis à l'épreuve et durement ébranlés. Et on a vu également que leurs ennemis sont venus de partout. Yani, le Medina, yani, on va dire qu'elle a quatre côtés. Deux côtés, Si on regarde, yani on est dans le Médina et on regarde vers le nord, le côté yani est et le côté ouest, ces deux côtés-là avaient des protections naturelles. Et il y avait des rochers volcaniques. Et c'était très difficile d'avancer avec une armée dans ces deux côtés-là. C'est pour ça, c'était pas possible que Kuffar Quraysh vienne de ces deux côtés-là. Le côté sud, dans ce côté-là, il y avait la grande montagne qui représente l'extrémité sud de l'Madina, qui s'appelle la montagne de Ayr. Et juste entre la montagne de Ayr et le côté est, il y avait une petite lacune. Mais dans cette lacune, il y avait les maisons qui empêchaient les gens d'entrer dans le Madina. Et justement, dans cet endroit, il y avait les châteaux, les forteresses et les bastions des Juifs de Banu Qurayda. Ils étaient de ce côté-là. Donc, on peut dire que ce côté-là également est protégé. Il reste juste le côté du nord. Le nord de l'Madina, c'est le seul côté qui était exposé au danger. C'est pour ça que le prophète, alayhi salam, avec l'indication de Salman al-Farisi, radiallahu anhu, il a creusé ses tranchées dans ce côté-là. Et pour imaginer yani, la difficulté que ça a représenté, ces tranchées, de faire ces tranchées, il faut savoir que ces tranchées, ils faisaient de longueur 5000 coudées, c'est-à-dire 4500 mètres, 4 kilomètres et demi de longueur. Imaginez, ils ont creusé quelque chose qui fait 4 kilomètres et demi. Et dont la largeur était de 5 coudées, c'est-à-dire 4 mètres 50. C'est pour ça que Kuffar Quraysh, malgré leurs tentatives, ils n'ont pas réussi à sauter les tranchées, car ça fait presque 5 mètres de largeur. Et de profondeur, ça faisait entre 7 coudées et 10 coudées selon l'endroit. Donc de profondeur, ça pouvait arriver jusqu'à 5 mètres. Et c'était au minimum 3 mètres 500. Donc c'est très profond, c'est assez large pour qu'un cheval puisse sauter, et ça permet de boucler le côté nord de l'Madina sur 4 kilomètres et demi. Imaginez, pour creuser tout ça avec les moyens très simples et basiques qu'ils avaient à l'époque, des pioches, des pelles, des bêches, yani des choses très simples. C'est pas avec les instruments qu'on a aujourd'hui. C'était avec des matériaux très très simples, du matériel très simple, qu'ils ont creusé ça. Et ils avaient très peu de temps. Kuffar Quraysh était sur la route, et donc ils devaient finir ça. Et les musulmans ont tout mis en œuvre, pour finir ce travail avec acharnement et patience. Ils l'ont fini à temps. Et tout le monde a participé, y compris le Nabi Issa salam. Et comme on a vu, ils ont vu des prodiges et des signes de la prophétie dans quand ils creusaient ces tranchées, ils en ont vu beaucoup. Et on va en parler, on va en voir quelques-uns, bi'idhnillah. Et parmi ces signes de la prophétie, on peut citer celui-là, c'est que à chaque fois qu'ils arrivaient à un rocher qu'ils n'arrivaient pas à casser, ils faisaient appel au prophète alayhi salatu wassalam, et c'est lui qui s'en chargeait. Il disait bismillah et il frappe, il le casse alayhi salatu wassalam. Et en plus de ça, ils avaient très très peu de nourriture pendant toute cette période, de travail dur et acharné qui a duré longtemps. Ils avaient très peu de nourriture. Et leur nourriture principale, c'était l'orge, la farine d'orge. il la mélange avec un peu de gras, yani de beurre, d'ancien beurre ou là, des choses comme ça, le moyen, un peu de gras, et il mangeait ça, yani il se contentait de manger ça. Et même des fois, ils trouvaient même pas ça, même pas l'orge. C'est pour ça qu'ils ont souffert d'une très très grande famine pendant cette période, comme ceci est rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari. Et quand ils trouvaient pas, ils se contentaient de manger des dattes, les dattes. Et des fois, pendant 3 jours d'affilée, ils trouvaient ni dattes ni orge, et ils devaient continuer à travailler. Au point où Nabi Issa Salam, comme c'est rapporté dans l'authentique de l'Bukhari, pendant ce travail dur et acharné, des fois, Nabi Issa Salam avait tellement faim qu'il mettait une pierre contre son ventre, il la serrait pour diminuer la douleur de la faim. Pour diminuer la douleur de la faim. Et tous les musulmans ont participé dans ces tranchées sans distinction entre le riche et le pauvre parmi eux, tout le monde a participé, chacun avec, selon sa capacité. Et Nabi Issa Salam, parmi ce qu'il disait pendant ce travail, il disait, Allahumma innahu la khayra illa khayrul akhira, fabarik fil ansari wal muhajira. Il disait, oh Allah, il n'y a de bien que le bien de l'akhira, de l'au-delà. Oh Allah, mets la baraka en l'ansar et le muhajirin. Et le sahaba, radiallahu anhum, il répétait comme des poèmes pendant leur travail pour s'encourager. Parmi ce qu'il disait, il disait, نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا. C'est nous qui avons fait le pacte d'allégeance à Muhammad, de le suivre sur l'islam tant qu'on est vivant. Il disait également, اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا. إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. Parmi d'autres choses qui répétaient, radiallahu anhum, pendant ce travail. Et comme je vous ai dit, ils ont souffert d'une très très grande famine pendant ce travail. Ils ont souffert, yani ils avaient extrêmement faim. Ils ont souffert de la faim. Et ceci est rapporté dans l'authentique. Et parmi les récits rapportés, c'est qu'un jour, Nabi Issa Salam, ainsi que ses compagnons, ils avaient tellement faim, au point où le prophète Issa Salam a mis une pierre contre son ventre, il l'a serré. Et il a dit aux compagnons, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui peut nous inviter à manger? Qui peut nous proposer à manger? Ils ont dit oui au messager d'Allah. Et ils lui ont montré, ils sont partis vers la maison d'un Ansari. Quand ils sont arrivés, ils l'ont pas trouvé chez lui. Ils ont trouvé que sa famille. Et lui, il était en plein travail dans les tranchées. Et sa femme lui a envoyé quelqu'un pour lui dire que le messager d'Allah est venu jusqu'à chez nous. Et il est notre invité avec ses compagnons. Et ce sahabi, radiallahu anhu, est venu en courant. Il est venu en courant et il a ramené ce qu'il avait. Il avait une chèvre et un chevron. Il y en a un petit de la chèvre. Et il voulait les tuer pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit uniquement le chevron, le petit. Et il l'a tué, radiyallahu anhu, et il l'a donné à sa femme pour le préparer avec un peu de pain, avec le peu de farine qu'ils avaient à la maison. Et quand tout était préparé, elle l'a présenté devant le Nabi Issa Salam, ce qu'elle a préparé. Bien évidemment, ça va préparer le plat de 2-3 personnes. Un petit sac de farine, ça va faire 2-3 pains. Et puis, ce chevron, peut-être 2-3 kilos de viande. Et Ils ont présenté ça pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a mis son doigt dedans. Il a dit, Bismillah, oh Allah, mets-nous la baraka dedans. Et il leur a dit, mangez, à tous ses compagnons qui sont venus avec lui. Et ils ont mangé, il y avait avec lui dans le premier, la première fois, il y avait avec lui 10 personnes. Ils ont tous mangé jusqu'à ce qu'ils se sont rassasiés. Et ils n'ont consommé que le tiers de ce qui a été présenté. Il restait les 2 tiers. Et après, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, vous pouvez reprendre votre travail. Et d'autres sont venus et ils ont mangé aussi. Ils ont mangé aussi. Et après, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est parti rendre visite à Salman al-Farisi, radiyallahu anhu, celui qui a l'idée, qui avait l'idée de cette tranchée. Il était allé le voir et il a trouvé qu'il arrivait pas du tout à casser un rocher qui l'empêchait d'avancer. Il creusait, mais il est arrivé à un rocher et il s'est arrêté. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam a pris une pioche et il a frappé en disant Bismillah. Et un tiers de ce rocher est tombé. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit Allahu Akbar. Les palais des Romains par le seigneur de la Kaaba. Il se rend conquis. Imaginez, Sahaba, la dureté dans laquelle ils sont et les difficultés qu'ils traversent. Ils souffrent de faim. L'un d'entre eux ne trouve même pas une date. Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur dit, on va conquérir les Romains. Il frappe une deuxième fois. Le deuxième tiers se casse. Il dit, on va conquérir les Perses par le seigneur de l'Kaaba. Imaginez ça. Et c'est là où certains hypocrites ont parlé. Certains hypocrites, quand ils ont entendu ça, ils ont parlé. Ils ont dit, on est en train de creuser ces tranchées et lui, il nous promet les palais des Romains et des Perses. Nous, on creuse déjà ces tranchées pour protéger le Médina. Et on n'est pas en sécurité chez nous déjà. Et quand on dit les Romains et les Perses, c'est les 2 plus grands empires qui existaient à cette époque. Et effectivement, ça s'est passé comme le Nabi sallam les a informés. Et il y a une histoire similaire, mais cette fois avec Jabir ibn Abdillah, radiyallahu anhu. Il a vu que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, là, l'initiative, elle est venue de Jabir. L'autre fois, comme on a vu, c'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui leur a demandé. Là, Jabir radiyallahu anhu, il a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était dans un travail acharné et qu'il avait très très faim. Il est parti voir son épouse, il lui a dit, est-ce que tu as quelque chose pour qu'on invite le prophète sallallahu alayhi wa sallam à manger? Car je l'ai vu dans une faim. Une grande faim. Et à la sortie, un petit sac dans lequel il y avait de l'orge. Et ils avaient une petite, une chevrette, c'est la femelle, la petite de la chèvre. La petite femelle de la chèvre. Elle s'appelle Al-Anaq. Donc, ils avaient que ça. Et un peu d'orge. Et Jabir radiyallahu anhu, il a tué cette chevrette et sa femme a préparé avec l'orge qu'elle avait, et elle a préparé un récipient avec les 2. Et ensuite, elle lui a dit, va voir Nabi sallallahu alayhi wa sallam et invite-le. Mais attention, ne me mets pas dans une situation difficile et gênante. Invite uniquement le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Car ce qu'on a préparé, c'est très peu. Ça suffit pas pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et tous ses compagnons. Et il lui a dit d'accord. Il est parti, il a invité le Nabi sallallahu alayhi wa sallam d'une manière discrète. Quand il a dit ça, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, on a préparé, on n'avait que cette petite quantité. Il lui a décrit la quantité. Il lui a dit, on t'invite au messager d'Allah. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, et il s'est retourné vers les compagnons. Il a dit, oh, ceux qui travaillent dans les tranchées, vous êtes tous invités chez Jabir. un festin. Jabir vous a préparé un festin. Allez, tous. Et ils sont venus tous avec le prophète, alayhi salatu wassalam. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il est arrivé chez Jabir, radiyallahu anhu, dans sa maison, déjà, yani, vous imaginez sa femme. Yani, dans la version, il est rapporté, cette version, elle est dans l'authentique de Bukhari. Elle lui a dit, Bika wa Bika. C'est comme si elle l'a blâmé. Elle a blâmé son mari. Et comme si elle a invoqué contre lui. Yani, je te dis, fais attention, ramène-moi juste très peu. On a préparé que très peu. Et tu me mets dans des situations comme ça. Tu me ramènes tous ceux qui ont travaillé dans les tranchées. Et ceux qui travaillaient dans les tranchées, c'était à peu près 1000. Donc, ils sont venus à 1000. Ils sont venus à 1000. 1000 personnes. Ce petit récipient. Et le Nabi alayhi salallahu alayhi wa sallam leur a dit, ne versez pas le tout. Gardez dans le récipient et à chaque fois vous prenez avec une louche. Et à chaque fois vous prenez avec une louche. Et il a postillonné sur ce récipient et il a invoqué Allah de mettre la baraka dedans et la femme de Jabir radiallahu anha et radiallahu an Jabir a commencé à servir en respectant ce que le Nabi alayhi salam lui a dit. Il lui a dit, ne renverse pas tout d'un coup. Tu prends à la louche et tu mets dans les assiettes. Et c'est, elle a commencé à servir, et ils ont mangé, ils se sont rassasiés, et ils sont tous partis. Et il restait une quantité dans le récipient de laquelle ont profité Jabir et sa famille, radiyallahu anhum. Le baraka de notre prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, dans ces moments très difficiles, où le kuffar se sont mis contre les muslimines, et ils sont venus de tous les côtés, comme Allah Azza wa Jalla les a décrits. Ils sont venus de tous les côtés, par au-dessus, par en dessous. Et c'est rapporté selon Abdullah ibn Abbas, que ceux qui sont venus par au-dessus, c'est Ratafan. Et ceux qui sont venus par en dessous, c'est Quraysh et leurs alliés. Et de l'autre côté, en plus, comme on a vu, il y a, avec la trahison des Banu Qurayda, donc leur, ils étaient exposés au danger également de l'autre côté, qu'ils pensaient être un lieu sûr et en sécurité. Et d'ailleurs, ils ont placé les femmes et les enfants dans le bastion de Bani Haritha. Yani, c'était un lieu fortifié et protégé. Et c'était l'endroit le plus protégé de l'Médina. C'est pour ça qu'ils l'ont choisi pour mettre leurs enfants et leurs femmes en sécurité. Mais subhanallah, cet endroit, il était à proximité de Bani Qurayda. Parce qu'il y avait un pacte. C'était à proximité de Bani Qurayda. Et c'est pour ça, quand ils ont su, comme on a vu, la trahison des Banu Qurayda, c'était très très difficile pour les croyants. Parce qu'ils étaient plus en sécurité par rapport à leurs enfants et leurs femmes. Et Banu Qurayda, ils peuvent venir, ils peuvent tuer tous leurs enfants et toutes leurs femmes. En un coup. Ils ont ni armes ni rien. Et c'est pour ça que c'était très très difficile. Mais le Nabi alayhi salam envoyait des cavaliers qui faisaient des tournées pas loin des forteresses de Banu Qurayda afin qu'ils sachent que les muslimines sont présents et qu'ils ne pensent pas à attaquer là où ils ont mis leurs enfants et leurs femmes, les muslimines. Et le danger également, après la trahison des Banu Qurayda, c'est que les muslimines peuvent se faire attaquer par derrière. Car eux, ils étaient 3000 du côté de l'Médina, et le Kuffar était de l'autre côté, et ils étaient séparés par les tranchées. Donc de ce côté-là, ils étaient protégés. Et comme on a vu, il n'y avait que des échanges de flèches entre les deux clans. La seule tentative qui a été faite par Kuffar Quraysh pour traverser les tranchées, c'est celle qui a été faite par Amr ibn Abdi Wud avec quelques hommes, et Ali radiallahu anhu l'a tué Et il est rapporté que un deuxième aussi a été tué. Après, les autres ont pris la fuite. Et c'est la dernière fois ils vont tenter traverser les tranchées. C'est pour ça, ils vont assiéger le Médina pendant toute cette période, un mois. Et en général, ils font ça pour que les croyants se fatiguent et qu'ils se soumettent par la suite. Mais alhamdulillah, Allah Azza wa Jal a raffermi ses alliés et a envoyé sur ses ennemis des soldats qui étaient visibles et d'autres qui n'étaient pas visibles. Il a envoyé sur eux, entre autres, la peur, le froid et le vent. Le vent très fort, au point où le récipient ne tenait pas à terre. Et leur tente non plus. Et il a envoyé également sur eux cet homme qui s'appelle Nu'aym ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, qui a eu un rôle capital dans cette victoire des musulmans. Et yani, comme on a vu, il a pu les diviser. Il est parti voir les Banu Qurayda et il leur a dit, vous êtes rentrés dans cette bataille, mais vous n'êtes pas à l'abri si jamais il y a un renversement ou un changement de situation. Kuffar Quraysh, c'est simple pour eux. Ils repartent à Mecca. Ghatafan également, ils repartent chez eux. Alors demandez-leur des otages que vous gardez chez vous, comme ça sera une garantie qu'ils vont continuer la bataille avec vous jusqu'au dernier bout. Effectivement, ils étaient convaincus par cet avis, et vu la bonne relation qu'ils avaient avec Nu'aym, radiyallahu anhu, et ils ne savaient pas que c'était un musulman encore, parce qu'il est devenu musulman, pendant ces événements. Ils ne savaient pas, et en plus sa tribu, la tribu de Ghatafan, elle participe dans la bataille contre les musulmans. Donc ils ne vont pas le soupçonner. Et il a fait la même chose avec Quraysh et avec leur chef Abu Sufyan. Il a fait la même chose avec sa tribu Ghatafan. Il était voir leur chef, il a dit la même chose. Et subhanallah, de cette manière, il y a eu cette division entre les trois camps. Et en plus de ce que Allah a envoyé contre eux comme vent et comme froid, ils ont décidé de se retirer. Finalement, ils ont fini par se retirer. Et pendant toute cette période, il n'y a pas eu de combat, excepté ce qu'on a vu, entre Ali radiallahu anhu et Amr ibn Abdiwud. Sinon, c'était que des échanges de flèches. Mais c'était sans cesse, pendant toute cette période. Pendant toute la période du siège, il y avait ces échanges de flèches, et au point où un jour, Nabi alayhi salam était tellement occupé par les ennemis qu'il n'a pas prié Salat al-Asr pendant le siège de l'Ahzab. Et il a prié qu'après le coucher du soleil. Ceci est rapporté dans l'authentique de l'Bukhari. Et car à cette époque-là, il n'était pas encore légiféré la prière de la peur. Et le musulman devait prier Salat telle qu'elle est. Et le Nabi alayhi salam n'a pas pu prier Salat de l'Asr ce jour-là. Subhanallah. Et pendant ces échanges de flèches, ils étaient tués parmi les mouchriquins 3 hommes. Et parmi les musulmans, 6 hommes. À leur tête, Sa'd ibn Mu'ad, radiyallahu anhu. Il a été blessé au niveau de l'épaule. Il a eu une flèche dans une veine importante dans l'épaule. Et ils disent que quand cette veine est touchée, en général, la personne décède. C'est pour ça que Nabi alayhi sallam a ordonné à ce qu'on lui mette une tente dans la mosquée du prophète alayhi sallam, et il allait lui rendre, afin qu'il puisse lui rendre visite souvent et facilement. Et la femme qui s'occupait de lui pendant qu'il était, dans cette tente, c'est une femme qui s'appelle Rufayd al-Aslamiyya, radiyallahu anha. C'est elle qui soignait Sa'd, radiyallahu anha, le maître des Médinois, ce grand compagnon, radiyallahu anha. On va parler de lui avant de finir ce cours, bi'idhnillah, et citer quelques points le concernant et son rôle important dans cette bataille. Et finalement, Allah Azza wa Jal a suffi les croyants, les difficultés du combat, et finalement la bataille s'est terminée sans combat, comme on a vu, et Allah a envoyé contre eux le vent et le froid, parmi ce qu'il a envoyé sur le kuffar. Et Allah Azza wa Jal, comme il a dit, وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. Dans le sens approximatif, Allah a repoussé les mécréants, écumant de rage et sans avoir récolté aucun bien. Allah a évité aux croyants de livrer combat. Allah est fort et tout puissant. Allah est fort et tout puissant, subhanahu wa ta'ala. Nous avons parlé de Hudhayfa ibn al-Yaman, cette mission de laquelle il a été chargé par le prophète Isa al-Salam, et comment il l'a accompli, radiyallahu anhu. Il a respecté les consignes du prophète Isa al-Salam jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Donc ça, c'est par rapport à la bataille de l'Khandaq, qu'on a déjà vu, et ceci est un rappel de ce qu'on a vu avec d'autres éléments, yani, que j'ai pas cités dans le cours précédent. Ensuite, l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, a parlé d'une autre bataille qui a eu lieu directement, et on en avait parlé dans le cours dernier, on avait parlé de ça. C'est que quand Nabi Isa alayhi salam, après le retrait des mécréants et leur départ, une fois qu'ils ont quitté Al-Madina, ils ont abandonné ce siège et ce blocus qui a été pratiqué sur Al-Madina par eux, Nabi Isa alayhi salam a retiré ses armes et il est parti se laver dans la maison de la mère des croyants, Umm Salama radiallahu anha. Et Jibril alayhi salam est venu le voir. Il lui a dit, est-ce que vous avez déposé vos armes? Il a dit oui. Il a dit, alors, nous, on n'a pas déposé nos armes, les anges. Il lui a dit, lève-toi et va et dirige-toi vers ceux-là, les Bani Qurayda, les juifs qui ont trahi le prophète alayhi salam et qui ont trahi les musulmans. Et donc, la sortie pour cette bataille a eu lieu directement après ce mois de siège qui a été pratiqué sur le Madina et après la fin de la bataille de l'Ahzab, comme on a vu, directement après, Nabi Isa alayhi salam est sorti vers la fin du mois de Dhul-Qi'da et dans le début du mois de Dhul-Hijja, de l'année 5 de l'Hijra. La bataille de l'Ahzab a commencé dans le mois de Shawwal. Elle a commencé dans le mois de Shawwal. Et la sortie vers Bani Qurayda, c'était juste après la fin de ce blocus, et vers la fin du Dhul-Qi'da et le début de Dhul-Hijja. Le Nabi Isa Salam, par obéissance à Allah et à sa volonté, il a ordonné aux croyants de se préparer pour la sortie vers Bani Qurayda. Et la cause de cette bataille contre Bani Qurayda, c'est leur trahison du pacte qu'il y avait entre eux et les musulmans, et surtout pendant ces moments difficiles, très difficiles, qu'ont traversé les croyants. Et Nabi Isa alayhi salam a ordonné aux croyants de ne prier Salat al-Asr qu'une fois arrivé à Bani Qurayda. Il leur a dit, comme il est rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, que personne ne prie l'Asr qu'une fois arrivé à Bani Qurayda. Et effectivement, les musulmans, et ça c'est pour leur dire de sortir le plus rapidement possible et de se hâter à sortir et de ne pas tarder pour comprendre l'urgence. Il leur a dit que personne ne prit l'asr qu'une fois arrivé à Bani Qurayza. Et les musulmans sont sortis par groupe. Ils sont sortis par groupe à chaque fois qu'il y a un groupe qui est prêt, il sort. Jusqu'à ce qu'ils se sont réunis devant les bastions de Bani Qurayza, leur forteresse et leur château. Et parmi eux, parmi les musulmans ce jour-là, qui ont sorti, et quand c'était l'heure de l'asr, avant d'arriver à Bani Qurayza, ils se sont arrêtés, ils ont prié sur la route. Ils ont dit, le Nabi Isa sallam n'a pas voulu qu'on fasse sortir l'asr de son heure, mais il a voulu qu'on se précipite et se hâte à sortir de Medina vers Bani Qurayza. Et parmi eux qui n'ont prié l'asr qu'après le coucher du soleil. Et ils ont dit, le Nabi Isa sallam a voulu de nous, il nous a dit de ne prier l'asr qu'une fois à Bani Qurayza, on n'est pas arrivé, même si c'est l'heure de, bientôt l'heure de le Maghreb, on va attendre d'arriver à Bani Qurayza. Et ils n'ont prié l'asr qu'une fois arrivé à Bani Qurayza et après le coucher du soleil, c'est-à-dire ils l'ont fait sortir de son temps. Le Nabi Isa sallam, quand il a su ce que les deux groupes ont fait, il n'a blâmé personne. Il n'a blâmé personne. Ceci est rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari et de l'imam muslim. Ibn Hazm, rahimahullah, après les savants, ont parlé de ceux qui étaient récompensés deux fois et qui avaient pris la bonne décision, la décision juste, et ceux qui n'avaient pas pris la bonne décision, mais ils ont fait un effort, ils seront récompensés quand même une fois. Ibn Hazm, l'imam de Zahiriya, ou le deuxième imam de Zahiriya après Daoud, al-Zahiri, Ibn Hazm al-Andalusi. Al-Zahiriya, c'est ceux qui prennent tout le temps le sens apparent des textes. Et les savants, excepté Zahiriya, les savants de Al-Sunnah al-Jama'a, tels que l'imam Malik et l'imam Ahmad, chez eux également, le sens apparent, c'est ce qui est voulu. Mais il y a des choses qui peuvent t'orienter vers un autre sens et non pas le sens apparent. Le deuxième sens. Yani, quand il y a un dalil. Mais sinon, le sens apparent, c'est ce qui est voulu dans les textes de manière générale. Et à des exceptions. Vahiriya, pour eux, yani, eux, il n'y a pas d'exception. C'est toujours le sens apparent. C'est pour ça, Ibn Hazm, il a dit, ceux qui ont raison et qui sont dans la vie juste, c'est ceux qui ont prié l'asr après le coucher du soleil, une fois arrivés à Bani Qurayza. Et les autres, ils n'avaient pas la vie juste, mais ils seront récompensés. Et il a dit, et Allah, il sait de moi que si j'étais parmi eux, j'aurais prié l'asr une fois arrivé à Bani Qurayza, même après quelques jours, même si je mets plusieurs jours. Ibn Kathir, rahimahullah, un grand imam, le grand imam Ibn Kathir, rahimahullah, qui est un grand savant, Shafi'i, il a dit, Ibn Hazm est excusé d'avoir dit ça, car il fait partie des grands savants de Zahiriya. Et c'est ça la règle basique, la règle sur laquelle ils basent leur compréhension des textes. Et ils ne pouvaient pas délaisser cette règle ici. C'est pour ça, même ici, il a appliqué la même règle. Il a pris le sens apparent. Ne priez l'asr qu'une fois arrivé à Bani Qurayza. Il a dit, même si je serais arrivé plusieurs jours après, je l'aurais prié à Bani Qurayza. Mais c'est pas ça la vie juste chez les savants qui ne font pas partie de Zahiriya. Certes, Nabi Isa sallam n'a pas blâmé les deux groupes parce qu'ils ont fait un ijtihad. Ils avaient un texte. Mais on sait que quand il y a un ijtihad, un effort d'interprétation, et qu'il y a deux avis opposés, comme c'est le cas ici, la vérité, elle est unique. Les deux ne peuvent pas avoir raison. Et même Ibn Hazm, pour lui, c'est valable jusque-là. Mais par contre, quelle est la vie juste? Est-ce qu'on doit sortir salat si le Nabi te dit ne prie qu'une fois arrivé à Bani Qurayza? Est-ce qu'il veut de toi que tu fasses sortir salat de son temps, ou il veut de toi que tu te précipites à sortir et que tu ne tardes pas? Si on prend les autres dalils et on regroupe les dalils au sujet de cette question, bien évidemment que ceux qui avaient raison, c'est ceux qui ont prié salat al-Asr à 100 ans. Et c'est ceux-là qui ont eu la bonne compréhension et qui ont compris ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam voulait d'eux. Car Allah nous a ordonné d'accomplir les salawats dans leur temps. Et surtout salat al-Asr. Allah Azza wa Jalla dit « Hafidhu ala salawati wa salati al-usta wa qumu lillahi qanitin » Accomplissez les salawats dans leur temps, ainsi que la salat médiane, qui est salat al-Asr, dans la vie le plus juste des savants. Donc on doit accomplir les salawats dans leur temps. Et pour rien, on doit sortir salat de son temps, sauf quand il y a une raison valable, ce qui n'était pas le cas ici. Une raison valable, par exemple, tu as une personne mourante entre tes mains, tu es un médecin, tu fais une opération, si jamais tu laisses la personne 5 minutes, le temps d'aller prier, elle va mourir, ou elle va risquer gros. Dans ce cas-là, tu es excusé. Ça, c'est un cas de grande nécessité. Par exemple, tu es un pompier, tu as quelqu'un qui brûle, et des vies vont être perdues. Dans ce cas-là, même si tu fais sortir salat de son temps, yani, t'es excusé. Mais ici, tu sors pour un combat, tu pries les salawats à leur temps, quoi qu'il arrive. Et on va voir que Nabi sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, quand salat al-khawf, la prière de la peur, sera légiférée, ils vont prier même, yani, pendant le combat. Et ils vont prier en groupe, en se divisant en deux parties, yani, une qui prie d'abord, la moitié avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et elle part combattre et repousser l'ennemi, et l'autre vient finir la moitié avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et ainsi tous ils vont prier avec un seul imam, ils vont prier une salat al-jama'a, et ils vont pas être dans une insouciance où ils peuvent se faire attaquer par leurs ennemis. Et si quelqu'un, l'imam Ibn Kathir a sorti un autre point ici, si quelqu'un il dit, non, ici c'était légiféré de retarder salat al-asr. C'était légiféré de retarder la salat parce que, à cause du combat, à cause du jihad, le combat dans le sentier d'Allah. Et que ça a changé par la suite, quand Allah a légiféré la prière de peur. Donc quelqu'un peut dire, non, ici ils avaient le droit de faire ça. Parce que c'était légiféré de faire sortir salat de son temps à cause du combat dans le sentier d'Allah et que c'était une excuse valable à cette époque, avant qu'Allah ne légifère la prière de peur. Et ils disent, comme c'était le cas dans la bataille de l'Khandaq, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a retardé l'asr, comme on a vu. Et il ne l'a prié qu'après le coucher du soleil, car il était occupé avec le combat dans le sentier d'Allah. La réponse à ça, Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas retardé salat l'asr ici, parce qu'il a choisi de la retarder. C'était pas volontaire de sa part, mais c'était un oubli. C'est pour ça qu'il l'a regretté. Quand il a dit à Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, il lui a dit, ô messager d'Allah, j'ai failli ne prier salat al-Asr qu'au coucher du soleil. Mais Omar l'a prié dans le temps, avant le coucher du soleil. Mais il lui a dit, j'ai failli la prier après le coucher du soleil, tellement on était occupé par le combat. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, par Allah, je ne l'ai pas prié encore. Et ça indique que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait oublié de faire salat et qu'il ne l'avait pas retardé exprès. Et l'oubli, c'est une excuse. Celui qui oublie une salat, il l'a pris au moment où il se rappelle. Et c'est ça son temps, pour celui qui l'a oublié, ou qui dormait. Qui dormait, ça veut pas dire tu dors et tu laisses sortir Salat Sobh. Ça, c'est quelqu'un qui a fait les causes pour se réveiller. Il s'est couché tôt, il a mis un réveil, et ainsi de suite, et il s'est pas réveillé, celui-là est excusé. Quand il se réveille, il prie. Mais quelqu'un qui a l'habitude de veiller la nuit et de passer sa nuit dans les divertissements et dans les futilités, ou même dans l'ilm, si ça va être une cause de louper salat et de la faire sortir de son temps, ceci n'est pas permis. Même si tu la passes dans talab l'ilm ou dans la prière de nuit, c'est pas légiféré. Et c'est haram. Et en résumé, il finit par résumer tout ça, l'imam Ibn Kathir, il dit, ceux qui ont prié Salat al-Asr à 100 ans, c'est ceux qui ont pris en considération tous les dalils par rapport à la Salat. Et ceux qui ont eu la bonne compréhension et qui seront récompensés deux fois. Et les autres, ils ont pris en considération l'ordre spécifique que Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam leur a donné. Et ils n'ont pas tenu compte des autres dalils. Et ceux-là auront également une récompense qu'Allah les agrée tous les compagnons, radiyallahu anhum, ceux qui l'ont prié dans son temps et ceux qui l'ont prié après son temps avec cette compréhension qu'ils ont eue. Quelqu'un peut dire maintenant, est-ce que moi, je peux faire le même effort? On lui dit ça, c'était à cette époque. Maintenant, après que ça s'est passé comme ça et qu'on a su que ceux qui ont raison, c'est ceux qui ont prié dans le temps, il t'est pas légiféré de faire sortir salat et tu ne seras pas excusé comme ses compagnons étaient excusés. Ce jour-là, le Nabi Isa Salam a donné la bannière des muslimines, l'étendard du muslimine, il l'a donné à Ali ibn Abi Talib. Il a laissé comme responsable sur le Medina ibn Ummi Maktoum. Et c'est connu l'histoire de Ali ibn Abi Talib ce jour-là. Le Nabi Isa Salam, quand il voulait lui donner l'étendard, il l'a cherché, il l'a pas trouvé. Avant de lui donner, il a dit, je donnerai l'étendard aujourd'hui à un homme qui aime Allah et son messager et que Allah et son messager l'aiment. Subhanallah, un grand mérite. Sahaba, quand ils ont entendu ça, tous ils avaient envie que ce soit eux à qui le Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam donne l'étendard. Mais le Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, il a cherché dans les compagnons présents, il n'a pas vu Ali. Il a dit, il est où Ali ibn Abi Talib? Ils ont dit, il souffre de ses yeux. Il avait une maladie aux yeux. Il a dit, appelez-le. Et ils sont partis le chercher. Et Nabi Isa Salam a postillonné dans ses yeux. Et c'est parti, ce qu'il avait dans les yeux. Et il lui a donné l'étendard. Et il lui a recommandé d'aller à Afwan. Afwan, là, cette histoire, elle est dans la bataille de Khaybar. Et je l'ai cité ici. Ça, c'est dans Khaybar, quand Nabi Isa Salam lui a dit, لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. Qu'Allah te guide par toi un seul homme est meilleur pour toi que les chamelles roses ou rousses. Que les chamelles rousses. C'est les meilleurs des chameaux chez les Arabes. Donc ça, Nabi Isa Salam lui a donné l'étendard dans Khaybar également. C'était contre des juifs également. Et il lui a demandé de leur faire da'wah d'abord. Ce qui n'est pas le cas ici. Ici, il lui a donné l'étendard, radiyallahu anhu. Il a laissé comme responsable sur le Medina, Abdullah ibn Ummi Maktoum. Il a assiégé les Banu Qurayda. Il les a assiégés pendant 25 jours. 25 jours, ils sont restés autour de ces bastions et de ces forteresses des Banu Qurayda. Et leur maître, Ka'b ibn Asad, si vous vous rappelez, c'est lui qui a été appelé par Huyay ibn Akhtab à rompre le pacte avec les musulmans. Il n'a pas voulu au début, mais il a fini par accepter avec la pression de Huyay ibn Akhtab. Ce jour-là, quand ils étaient assiégés par les musulmans, il a dit aux juifs de Banu Qurayda, je vous propose d'accepter une de trois choses. La première, c'est que vous entrez dans l'islam tous avec Muhammad, vous entrez avec lui dans sa religion. Et ainsi vous allez être sauvés. Et si vous acceptez pas l'islam, alors je vous demande de tuer vos enfants et vos familles, yani de ne garder que les guerriers et les combattants, et de sortir combattre les musulmans, ou bien vous les tuez tous, ou ils vous tuent tous. Et si vous les tuez tous, là vous allez pouvoir avoir d'autres femmes et avoir d'autres enfants. Et si ils vous tuent tous, ils vont pas prendre vos enfants et vos femmes et les épouser. Donc ça, c'est la deuxième proposition. Il a dit, par contre, si vous acceptez pas les deux, alors attendez que ce soit le samedi, car les musulmans savent que vous combattez pas pendant le samedi, et sortez et combattez-les ce jour-là. Et ils ont refusé les trois propositions. Ils sont restés dans leur forteresse jusqu'à ce qu'ils étaient fatigués par le siège qui a été pratiqué par les musulmans autour de Bani Qurayda. Ils étaient très fatigués, très épuisés, et qui se sont soumis au jugement d'Allah et au jugement de son messager. Et Nabi alayhi salam, il voulait à un moment s'adresser à eux et leur adresser le discours. Et Ali radiallahu anhu, comme il les entendait insulter le messager alayhi salam avant, juste avant, il lui a dit non, ne t'approche pas au messager d'Allah. Il n'a pas voulu qu'il entende d'eux des insultes. Il lui a dit, s'ils me voient, ils vont pas m'insulter. T'inquiète pas. Yani, s'ils me voient, ils vont pas m'insulter. Ils m'insultent quand ils me voient pas. Et quand ils l'ont vu, effectivement, personne n'a osé parler devant le Nabi alayhi salam. Et ensuite, Nabi alayhi salam leur a envoyé un grand compagnon qui s'appelle Abu Lubaba, Ibn Abdil Munzir, qui fait partie de l'Aus, et qui fait partie de ceux qui ont participé dans Bay'at al-Aqaba, le pacte d'allégeance de l'Aqaba. Yani, pour négocier avec les Juifs. Il a envoyé Abu Lubaba pour négocier avec eux. Et Abu Lubaba, il faisait partie de leurs alliés, des alliés de Bani Qurayda, car Bani Qurayda, leur alliance était avec l'Aus. Ils étaient des alliés de l'Aus. Et quand ils ont vu Abu Lubaba, ils lui ont dit, qu'est-ce que tu nous proposes avec Muhammad maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? On se soumet à son jugement? Il a dit oui. Et il a fait un signe avec sa main au niveau de sa gorge. C'est-à-dire que vous allez être tués. Si vous vous soumettez au jugement du messager d'Allah, vous allez être tous tués. Et il a regretté d'avoir fait ce signe et de leur avoir donné cette indication. Et il est parti en courant. Quand ça s'est arrivé de lui et qu'il a réalisé ce qu'il a fait, il est parti en courant. Il s'est attaché dans la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam à un pilier de la mosquée. Il s'est attaché à un pilier de la mosquée et il a dit, je ne retirerai pas ce ligotement jusqu'à ce que ce soit le prophète alayhi salatu wassalam qui me détache. Et il a juré de ne plus jamais mettre les pieds dans la tribu de Banu Qurayda. Et quand Nabi alayhi salatu wassalam a su cela, il a dit, laissez-le jusqu'à ce que Allah lui accorde le repentir. Effectivement, Allah Azza wa Jal a accordé le repentir à Abu Lubaba, radiallahu anhu. Il lui a accordé le repentir par rapport à ce petit geste qu'il a fait et cette indication qu'il a donnée aux Juifs. Et ensuite, finalement, Banu Qurayda, ils ont fini par céder et par se soumettre après ce siège qui a duré 25 jours, et ils ont cédé et ils ont accepté d'être jugés avec le jugement d'Allah suite à leur trahison. Et ils ne sont entrés dans l'islam parmi eux ce jour-là que deux hommes, Tha'laba wa Usayd ibn Sa'ya, deux frères, et un troisième qui s'appelle Asad ibn Ubayd. Donc trois hommes qui sont entrés en islam de toute la tribu de Banu Qurayda. Et un homme parmi les Banu Qurayda, qui s'appelle Amr ibn Su'da al-Quradi. Cet homme, il est sorti de leur bastion et personne n'a su où est-ce qu'il est parti. Et cet homme, il avait une particularité, c'est qu'il a refusé de rompre le pacte qu'il avait avec le prophète alayhi salatu wassalam. C'est un juif, bien évidemment, mais il a refusé, il a tenu sa parole jusqu'au dernier moment et finalement il est parti et personne n'a su où est-ce qu'il est parti. C'est-à-dire qu'il ne sera pas tué avec ceux qui vont être tués. Et quand ils ont accepté d'être jugés par la loi d'Allah Azzawajal, l'Aous ont dit au messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, ils lui ont dit au messager d'Allah, quand c'était les Banu Qaynuqa qui ont trahi, comme on a vu ce qu'ils avaient fait avec la femme musulmane et d'autres choses, yani leur trahison et leur rupture du pacte qu'ils avaient avec les musulmans, ils ont dit quand ils ont fait ça, et les Banu Qaynuqa, ce sont les alliés de l'Khazraj. Il a dit, on a su ce que tu as fait avec eux au messager d'Allah. Le Nabi alayhi salam les a bannis et les a pas tués. Alors que le Nabi alayhi salam, il voulait les tuer. Mais avec la pression de Ibn Saloul, la tête de l'hypocrisie, il n'a cessé de mettre la pression sur le prophète alayhi salam jusqu'à ce qu'il a accepté de les bannir. Donc là aussi, ici, ils ont dit, au messager d'Allah, tu as fait ça avec les alliés de l'Khazraj, alors aujourd'hui, avec nos alliés, fais de même. Il a dit, est-ce que vous acceptez qu'il soit jugé par un homme parmi vous, parmi l'Aous? Ils ont dit oui. D'accord, si c'est parmi nous, donc il va faire ce qu'on aime. Il a dit, alors j'ai accepté que celui qui les juge, que ce soit Sa'd ibn Mu'ad, radiyallahu anhu. Il a dit, j'ai accepté que celui qui les juge, que ce soit Sa'd ibn Mu'ad, radiyallahu anhu. Sa'd ibn Mu'ad, il a été blessé au niveau de l'épaule. Il est gravement touché et il est dans une tente dans le Masjid Nawawi. Rappelez-vous de ces détails. Et quand Saad, et quand ils ont su ça, ils sont partis chercher Saad ibn Mu'ad, radiyallahu anhu, le maître de l'Aous. Et Saad ibn Uwada, c'est le maître de Khazraj. Les deux sont les maîtres des Médinois. Et ils l'ont ramené sur un âne. Et il était entouré de plusieurs compagnons parmi l'Aous. Ils sont venus. Et quand ils se sont approchés de l'endroit où le jugement, le verdict allait être donné, ils ont dit « Ya Aba Amr ». Et ça c'est la kunya de Sa'd ibn Mu'ad, radiyallahu anhu. Ils ont dit « Ya Aba Amr, sois indulgent vis-à-vis de tes alliés ». Et quand ils ont insisté tellement sur Sa'd également, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, il est temps pour Saad de juger avec la loi d'Allah et qu'il ne craint de blâme de la part de personne. De juger comme il plaît à Allah et de ne craindre le blâme de personne. Et quand ils ont entendu ça, ils ont pensé que les Banu Qurayda allaient être tués. Et quand il s'est approché, Sa'd ibn Mu'ad, sur la route, là il est toujours sur la route, vers l'endroit où se trouve le Nabi alayhi salam, où il y a les juifs de Banu Qurayda. Quand il s'est approché de Nabi alayhi salam, Nabi alayhi salam a dit, levez-vous pour votre maître, levez-vous pour votre maître. Et tous les musulmans se sont levés pour saluer Sa'd. Et les savants ils disent, il y a une divergence par rapport à ce point. Est-ce que il est autorisé de se lever pour saluer quelqu'un ou pas? Les savants sont unanimement d'accord qu'il est autorisé de se lever pour saluer quelqu'un qui vient de voyage. Mais quelqu'un qui vient pas de voyage, il vient te rendre visite chez toi. Est-ce que tu peux te lever pour le saluer? La plupart des savants disent que oui, c'est autorisé. Et ce qui n'est pas autorisé, c'est ce que faisaient certains tyrans. Il est assis, les gens sont levés autour de lui. Et il aime les voir debout alors que lui, il est assis. C'est ça qui est interdit. En tout cas, Nabi alayhi salam leur a dit, levez-vous pour votre maître. Et ils se sont levés pour saluer Sa'd radiallahu anhu. Et il lui a dit, juge-les. Sa'd radiallahu anhu, il a commencé par parler, il s'est adressé d'abord à Al-Aws et à Bani Qurayda. Il leur a dit, vous me donnez votre parole que vous allez accepter mon jugement? Ils ont dit oui. Et il s'est dirigé vers l'endroit où il y a le prophète alayhi salam. Il a dit, ceux qui sont là, ils accepteront mon jugement, ils donneront leur parole qu'ils acceptent mon jugement, et ils visaient le Nabi alayhi salam. Mais par respect profond au prophète alayhi salam, il n'a pas voulu dire au messager d'Allah, t'acceptes mon jugement. C'est moi qui accepte ton jugement et ta sentence, et pas l'inverse. Mais là, comme c'était demandé de donner une sentence par rapport à ces gens-là, et qui fait partie de l'Aus, qui sont leurs alliés, et ils ont exigé que ce soit un de leurs alliés, donc par respect profond au prophète alayhi salam, il a dit, ceux qui sont là acceptent également. Le Nabi alayhi salam a dit oui. Et Sa'd radiallahu anhu a dit, alors mon jugement et ma sentence, c'est que les combattants parmi eux soient tués, et que leurs enfants et leurs femmes soient pris comme captives et comme prisonniers de guerre, et qui seront distribués par la suite comme un butin de guerre. Le Nabi alayhi salam, quand il a entendu ça, il a dit, t'as jugé avec le jugement d'Allah, tu les as jugés avec le jugement d'Allah par au-dessus sept cieux. Tu les as jugés avec le jugement d'Allah. Et ta sentence est parfaitement en accord. Elle est conforme à 100% à la sentence d'Allah qui est au-dessus de ces sept cieux par son essence et qui est partout avec sa science. Et Nabi alayhi salam a ordonné de faire un tri et de tuer tous ceux qui sont pubères parmi leurs hommes. Et comment ils reconnaissaient le pubère de celui qui ne l'était pas? Ils regardaient, est-ce qu'il avait des poils au niveau du pubis? Celui qui avait des poils au niveau du pubis, c'était pubère et il se faisait tuer. Et ils ont creusé une tranchée rien que pour cette raison. Et ils les ont jetés dedans. Et ils étaient entre 600 et 700 combattants qui ont été tués ce jour-là. Et ça a été rapporté qu'ils étaient entre 700 et 800. Et ça a été rapporté également 900. Mais ce qui est rapporté dans l'authentique, ce qui est rapporté d'une manière authentique, c'est qu'ils étaient 400. Donc, c'est possible qu'ils étaient plus que 400. Parce que là, entre 600 et 700, c'est l'imam de la biographie Ibn Ishaq qui le dit. C'est l'imam de la biographie qui le dit. Donc, pour prendre en considération ce que dit Ibn Ishaq et ce qui est rapporté d'une manière authentique, peut-être que ceux qui ont dit 400, ils n'ont pas tenu compte d'un nombre, d'un certain nombre ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est les versions qui ont été rapportées. Et celle qui était rapportée avec une chaîne de transmission authentique, c'est 400. Ces 400 hommes, ou entre 600 et 700, tous ils étaient tués ce jour-là, et ils étaient jetés dans ce fossé, dans cette fossé, et enterrés de cette manière. Et ils n'ont pas été tués parmi les femmes, ils n'ont tué aucune femme ce jour-là, excepté une seule femme, qui s'appelle Banana, l'épouse de l'Hakam al-Quradi, car elle a tué un compagnon qui s'appelle Suwayd ibn Samit. Elle l'a tué ce jour-là, en jetant un moulin sur sa tête, et elle l'a tué. L'imam ibn Kathir il dit qu'Allah la maudisse. Cette femme a été tuée ce jour-là. Et les biens des Banu Qurayda, tous leurs biens ont été partagés sur ceux qui ont participé dans la bataille. Il était donné une part à celui qui était à pied et trois parts pour celui qui avait un cheval. et 3 parts pour celui qui avait un cheval. Et ce jour-là, il y avait 36 cavaliers. Il y en a 36 personnes qui avaient des chevaux, qui ont pris 3 parts. 3 parts, 1 part pour l'homme et 2 parts pour le cheval. Et les hommes, ils prennent tous 1 part. Et les chevaux, on donne 2 parts pour chaque cheval. Donc un cavalier, il va prendre 3 parts. Et un homme à pied, un combattant à pied, il va prendre 1 part. Et ce jour-là, Allah Azza wa Jal, après tout ce qui s'est passé, Allah subhanahu wa ta'ala a exaucé l'invocation de l'homme pieux, Sa'd ibn Mu'ad, radiyallahu anhu, car il avait invoqué Allah quand il a été touché par cette flèche, quand il a eu cette blessure mortelle. Il a dit, oh Allah, s'il reste encore une guerre contre Quraysh, alors laisse-moi en vie jusqu'à y participer. Et si t'as décrété qu'il n'y aura plus de bataille ni de combat, yani, qu'il n'y aura plus de guerre contre Quraysh, alors fais saigner cette blessure. Fais saigner cette blessure, car cette blessure, quand il a été touché, le Nabi alayhi sallam l'a cautérisé à plusieurs reprises. Il l'a cautérisé à plusieurs reprises. Et ça s'est fermé, mais à chaque fois ça s'ouvre. Yani, il a invoqué Allah de cette manière. Il a dit, si la guerre entre nous et Quraysh est finie, alors prends mon âme. Et s'il y a encore la guerre, alors laisse-moi en vie jusqu'à participer dans les guerres contre Quraysh. Et il a dit, oh Allah, ne prends pas mon âme jusqu'à me faire voir ce que j'aime de ces juifs de Banu Quraïda. Et Allah a exaucé toutes ses invocations. Il lui a fait voir ce qu'il aime de Banu Quraïda. Et c'est même lui qui les a jugés. Et c'est même lui qui les a jugés avec le jugement d'Allah. Subhanallah. Sahabi, il juge de lui-même. Et après, il est informé que ce jugement, il est exactement le jugement qu'Allah veut, qu'Allah a voulu religieusement. Ah, ce que Allah veut dans son décret, ça arrive de toute façon. Mais religieusement, c'est ce qu'Allah il veut de Sa'd, radiyallahu anhu, il a voulu de Sa'd. Et Sa'd était en accord avec le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et après ce qui s'est passé, sa blessure s'est ouverte, radiyallahu anhu, et elle a saigné d'une manière extrêmement forte. Il est décédé, radiyallahu anhu. Il est décédé martyr, car la cause de sa mort, c'est cette flèche qu'il a reçue dans la bataille. Donc c'est un martyr, Sa'd ibn Mu'adh, c'est un martyr, radiyallahu anhu. Et c'est pas seulement un martyr, on va voir ce qu'il est, radiyallahu anhu. Et les croyants, et le Nabi alayhi salam, l'ont enterré, ont suivi son convoi funéraire, et il est arrivé des choses à cet homme, Sa'd ibn Mu'adh, radiyallahu anhu. On va essayer de voir quelques-uns, pas toutes. Il y a eu beaucoup de choses qui sont arrivées à cet homme pieux, qui est Sa'd ibn Mu'adh. Donc, Sa'd ibn Mu'adh, radiyallahu anhu, quand il est mort, le Nabi alayhi sallam a dit, Ihtazza al-arshu li mawti Sa'd ibn Mu'adh. Le trône d'Allah a vibré. Le trône d'Allah a s'est agité suite à la mort de Sa'd ibn Mu'adh. Ça s'est rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari. Cette parole de Nabi alayhi sallam. Jabir il dit, j'ai entendu le messager d'Allah alayhi sallam dire, le trône d'Allah a vibré et s'est agité à la mort, suite à la mort de Sa'd ibn Mu'adh. L'imam al-Dhahabi, qui a rapporté ce hadith également dans son livre Al-Ulu, il a dit, ce hadith a été relaté d'une manière qui arrive au degré de tawatur. Tawatur, c'est ce qui est rapporté d'un très grand nombre de gens, sur un très grand nombre de gens, dans toutes les générations des rapporteurs, dans toutes les tabaqat de Rouat, tous, c'est un grand nombre qui rapporte d'un grand nombre jusqu'à arriver au prophète Isa alayhi salam. Ça s'appelle Mutawatir. Et ce hadith, il a été rapporté de cette manière, comme il dit l'imam al-Dhahabi. Et ensuite, il a dit, je témoigne que le messager d'Allah alayhi salam a dit cela, que le trône d'Allah vibre et s'agite, et a vibré et s'est agité suite à la mort de Sa'd ibn Mu'ad. Et nous aussi, nous disons, nous témoignons que le messager d'Allah alayhi salam a dit cela. Nous témoignons que le messager d'Allah alayhi salam a dit cela, comme il l'a dit l'imam al-Dhahabi. Et dans une autre version, qui est dans la chaîne de transmission, a été jugée bonne par l'imam al-Albani, rapportée dans Sahiha, avec le numéro 1288, Nabi alayhi salam a dit, اهتز العرش لموت سعد بن معاذ من فرح الرب عز وجل. Donc là, il y a un rajout qui nous explique la signification de ce hadith. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, le trône d'Allah a vibré et s'est agité suite à la mort de Sa'd ibn Mu'ad, car Allah était réjoui, yani de la joie d'Allah subhanahu wa ta'ala. De la joie d'Allah. Allah est décrit par le farah, la joie, comme il convient à sa grandeur et sa majesté, subhanahu wa ta'ala, comme tous les autres attributs. Et ça a été expliqué par Al-Hassan al-Basri, il a dit, la joie d'Allah avec l'arrivée de l'âme de Sa'd. L'arrivée de l'âme de Sa'd, radiyallahu anhu. Vous voyez, yani, ces hommes-là, Sa'd ibn Mu'ad, c'est un homme qui est entré dans l'islam, il avait à peu près 30 ans. Il est décédé à l'âge de 37 ans. C'est-à-dire qu'il n'a pas passé plus de 7 ans dans l'islam. 6 ans ou 7 ans. Et quand il décède, le trône d'Allah Azza wa Jal est agité. Et Allah est joyeux à l'arrivée de son âme. Et Allah est joyeux à l'arrivée de son âme, radiyallahu anhu. Et quand les compagnons ont porté son corps, radiyallahu anhu, pour l'enterrer, ils ont trouvé que c'était très léger. Et certains parmi les hypocrites, ils ont commencé à critiquer. Ils ont dit que c'était léger, son corps. Et Nabi alayhi sallam les a informés, il leur a dit, il a été porté par des anges. C'est pour ça que vous le trouvez léger. Ça a été authentifié par l'imam al-Albani et par l'imam Muqbil al-Wadi'i. Ça a été authentifié par ces deux savants. Donc, voilà pour aujourd'hui, pour la bataille des Banu Qurayda, et comment, yani, c'est la dernière des tribus qui va être, yani, qui restait fil Medina, et maintenant, la tribu des Juifs, yani, les trois tribus maintenant ont été sorties de Medina. Et les seuls Juifs qui vont rester pas loin de Medina, c'est les Juifs qui sont allés à Khaybar. Et on va voir, yani, ça sera la dernière bataille du Prophète alayhi sallam contre des Juifs, ça sera dans le cadre de la conquête de Khaybar qui va avoir lieu dans l'année 7 de l'Hégire. Et ce jour-là, ils sont tombés martyrs dans les deux jours, les deux batailles, le Khandaq et le Khaybar, et le Khandaq et Quraïda, 10 parmi les compagnons. 10 martyrs parmi les compagnons sont décédés, sont tombés martyrs dans les deux batailles. Il n'y a eu que 10 morts. Parmi eux, il y avait Sa'd ibn Mu'ad, radiyallahu anhu. Et parmi les mouchriquins et les kuffar, ont été tués 3. Ont été tués 3 parmi les kuffar Quraysh. Ça, c'est dans les tranchées, les coalisés, parmi les coalisés. Et après, parmi les juifs, ils étaient tués, tous ces combattants qu'on a vus. 400, 600, 700, 800, 900. les différents avis qui ont été rapportés, et celui qui est rapporté authentiquement, c'est 400, comme on l'a vu. Et après, suite à ces deux batailles, le cours des événements va changer, et les rapports de force ont également changé, et comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a informé, à partir de ce jour-là, plus jamais personne n'osera attaquer le muslimin. C'est le muslimin qui vont attaquer les autres, fil Madina. Et plus personne ne sortira pour conquérir le Madina, mais c'est le muslimin qui vont sortir pour conquérir les tribus et les pays. Walhamdulillah, qui a accordé, donc là c'est le début de la grande force et puissance de l'islam, où les muslimins vont s'orienter maintenant, vont s'orienter vers les autres pays, très loin d'eux. Et il va y avoir les conquêtes des pays. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.